Et chaque matin, désormais, vous aurez droit pour accompagner votre café et vos tartines à la une des quotidiens. Et ça commence aujourd'hui. Je feuillette les principaux titres de la presse du jour et que vois-je ? Eh bien, tout d'abord, une large couverture des déboires de Donald Trump. Mauvaise passe selon Libération. Le président américain est déstabilisé par la condamnation de deux de ses anciens conseillers, son ancien avocat Michael Cohen, qui avoue avoir payé une call girl Stormy Daniels en échange de son silence, et son ancien directeur de campagne Paul Manafort, accusé de beaucoup de choses et notamment de fraude fiscale. Pour le Figaro, Bachar al-Assad serait à nouveau maître de la Syrie 7 ans après le début de la guerre. Le régime syrien s'apprête à donner l'assaut sur Idlib. Tout autre chose dans Le Parisien. Le quotidien vous donne un conseil, relisez bien votre avis d'imposition. On y trouverait, paraît-il, beaucoup d'erreurs. Et puis toujours dans Le Parisien, il est question de la colère suscitée chez certains par la limitation à 80 km/h sur les routes nationales. Les actes de vandalisme dirigés contre les radars se multiplieraient. Moins de blé, mais du blé plus cher, nous dit Les Échos. Selon le quotidien économique, les cours du blé flambent suite à la sécheresse, plus 20%. D'ailleurs, toujours dans le domaine des prix agricoles, La Croix évoque les prix des fruits et légumes qui évolueraient à la manière d'une montagne russe, avec de fortes disparités en fonction des produits achetés, de 115 euros le panier de fruits et légumes pour une famille à 255 euros si l'on achète des produits bio. Mais il n'y a pas que la nourriture dans la vie, il y a aussi la nourriture pour l'esprit, food for thought. Selon Les Échos, pour lutter contre les fake news, les géants du net accéléreraient les fermetures de comptes. Facebook, Twitter et YouTube font le ménage avant les élections américaines. Et oui, dans 3 mois, ce sont les élections à mi-mandat. Le journal L'Opinion, lui, s'intéresse au statut des auto-entrepreneurs. 10 ans après sa création, ce statut attire toujours autant de monde. Il a été réformé, pas assez, nous dit L'Opinion. Reste à créer notamment une vraie protection sociale des auto-entrepreneurs. La Croix revient sur la lettre du pape. Va-t-elle bousculer l'Église de France? Autrement dit, l'Église de France va-t-elle renforcer ses procédures contre les abus sexuels sur les enfants? Et puis enfin, L'Humanité rappelle le sort de Salah Hamouri, jeune avocat franco-israélien détenu en Israël de manière arbitraire depuis 1 an, nous dit le journal L'Humanité.